Épisode 1. Les passages. D'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord écouter ces récits de passage. Oui, si tu veux écrire, il faut écrire. Ibra, jeune serveur, arrivé à Palerme il y a peu, me raconte ce qu'il a vécu en Libye et la chanson qu'il a composée. Zedi, mon maire. Vraiment, je suis arrivé à Italie. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu à Libye. Tu as vécu des choses oui, à Libye. Et c'est en quelle langue que tu... En Mandinka. Mandinka, ok. Sokronto Fondinka. Il y a beaucoup de garçons à Libye. Ils sont fatigués. Il y a beaucoup de gens. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et du coup, tu as fait cette chanson pour dénoncer. Oui. Yeah, I said Libyan people, they don't have sympathy. So I said Libya, a lot of people, they have died at the desert. A lot of them, they don't have money to eat. Mm-hmm. Some of them, they used to look them like this, they shoot them. And Libya, there's nobody like even your brother, your sister, your uncle. You see one small boy, he can come and shoot your mother, your father. You will not talk. Because when you talk, he will kill you also. So Libya, there's no sympathy. There's nobody who will, when they see you, they hate you. And they don't like yeah, the just black because money. When you have money, they will take it with your hand. You know, in Gambia, when they know that you are from Gambia, you know, Gambia money is very, you have powerful. We use Dallas. Ah, okay. Dallas, yeah. Dallas, yes. So Dallas, you have power. You understand? So when you have Dallas, you know, they know that you are from Gambia. They will charge you a lot of money. When you are going to buy something, they will take it in your hand. They don't have, you see a lot of things in here. Libya, even before Libya, Libya is the, is worst. The worst thing. Yeah. Money is everything. When they see money from your hand, when they see you, they will take you and you go work. By and force, you will not eat. They will take you and go work. Me, 2 years, I'm in Libya. I'm in the prison. Before, I was in prison, you understand? So the time I come up to Libya, they sell me, you know? Like a beast. Like animal. An animal, yeah. They sell me. That's why I say Libya is not like... it's something we know that nobody will forget it. This immigrancy, people who have died there, nobody can count it. Many people have died. Many young people, they have died in Libya. At the sea, I come with girls. They kidnap the girls. They have sex with. After, they tell their parents to give them money. They beat them. When they pay the money, after they will go again. Some of them, they catch them. When they catch them again, they will pay. Yeah, like, and they were sold. Yeah, they sell. Yeah. They sell to like... To be a wife. Yeah. They used to do like that. They used to do like that. Oh, so those people, when you don't have money, every day, every second, they will beat you. They will take a phone like this. They tell you, call your father, call your mother. So they will beat you. You are crying, you are talking to your father. Yeah, for having money. Yeah, to having money. Yeah, yeah. So they will send money for their parents will send money to you. Mm. But what they will do, they will go again because they have even collection. More. You understand? So when the money come, they will leave you. But it's just like me and you, we know each other, we are doing bad thing. They have people who will... They like when they leave you, they will say, now go. Yeah, and after someone else someone, catch you. They kidnap you here. You understand? They are beating you in this room. That room, you will not see light. You will not see up. Yeah. When like yeah, they no. bring water, a lot of people, when they bring water, you drink a lot of water, they will shoot you. So those people, when like you catch light, because they don't want you to die, you don't pay money. First of all, I never know about slave, but I learned it. You understand? Yeah, yeah. But what I learned in slavery, I think it's worse. Because the way the people are doing in Libya is past more than the way they treat slaves. That's why this song, I will never forget it. Until now, we have many years. A lot of them, they used to beat them. Like when you call your parents, they say that I don't have money. They will tell your mother that I will listen. When you listen, you will say, I will kill him. You will hear the gun. So he will tell your mother, are you ready? He will take the phone. Are you ready? I'm coming to kill your son if you don't bring money. So if at all your father or your mother is paying money, a lot of money, and now he don't have money to pay, he will kill. So some of them, you know what they do? Like when they are beating you, they beat you. When you flat, they will take you and put in a camion. They will put you there like when you take this food and you throw it. Yeah, like an object, yes. Like an animal. Yes, so they are flat, but they don't die. They will put you there after they take you to Sahara. You know Sahara? Desert. Desert. So when they took to desert, they put this thing. They take their trachea. You know trachea? Mm-hmm. They dig a hole after they put you there. And you not die. You not die. They put people in life? In life. They put you there in Libya. That is something we know that is happening. And me, I have 2 years in Libya. Mm-hmm. They kidnap me. I don't know how, what I do. They take all my money. Yeah. I put my money any place, they take it. We used to put money like this. This is my books. They know. How? I don't know how they know. When you come, they will remove your this. Now, when they catch you, you will not wear this. Yeah, you naked. Nothing. This all. And they take candle, you know candle, and they put fire on candle. In the burn? You remove your this, they put it on top of you. Top. It's burning. Yes, it's burning. It's something we know that maybe when somebody tell you, you don't know, you will not believe. Mm-hmm. But it's happening. Libya is a shock from. En me rendant à Soutera, petit village de Sicile, j'ai fait la rencontre de Jaco, qui me raconte son chemin durant lequel il a grandi et qu'il l'a changé, du Mali à la Sicile. On est arrivé pendant 2012. Moi, il y avait des crises par rapport aux guerres de Trigla, le terrorisme, tout ça. Bah, moi, mon père ne travaille pas, ma mère ne gagne pas beaucoup. Bah, moi, mon fils, mes frères et tout ça. Bah. J'ai décidé, je me suis dit, c'est mieux que je prends la destination d'aller quelque part. J'avais besoin de ça, ma famille avait besoin de ça, mon frère, ma soeur. Comme moi, je n'ai pas eu la chance, mais j'aimerais qu'il faut que moi, je dois souffrir pour qu'ils gagnent. C'est moi le plus grand. Du coup, j'ai pris la décision. Les jours que j'ai dit à ma mère, moi, je n'avais plus rester ici. Il m'a demandé, tu vois où? J'ai dit, moi, je peux plus rester ici. Le moment que j'ai décidé de sortir, le gouvernement, ils m'ont pas donné autorisation parce que j'avais 15 ans. Pour moi, c'était de plus en plus compliqué. J'ai vraiment pas envie de rester dans mon pays. Au Mali, on avait 3 ou 4 groupes terroristes. Il y a un qui saute pour l'indépendance, qui se trouve au nord. Il y a d'autres groupes qui descendent par Libye, qui sont arrivés au Mali. Et il y a d'autres groupes qui s'appellent Djadi Moujao, qui sont entre les terroristes qui sont trop au Mali et ceux qui sont venus à Corps, qui ont formé un autre groupe et installé au Mali. Comme Amsardine aussi, il y avait Amsardine. C'était 4 groupes terroristes qui se trouvent au Mali. Il y avait des conflits, il y avait des coups d'État qui s'imposent à Bamako. Moi, j'ai quitté à Bamako. Le jour que les coups d'État m'ont mis, j'ai parti jusqu'en Algérie. J'ai resté là-bas un peu. Mais comme j'étais assez jeune, ce n'était pas facile, pas droit de travail. J'étais très jeune pour travailler. Après, je me suis débrouillé petit à petit. tu trouvais un peu de boulot, tu commençais à avoir les connaissances, les Africains qui se trouvent dans les rivières et tout ça. À cette époque-là, ce qui m'a sauvé, parce qu'ils avaient un peu d'argent sur moi pour vivre avec les gens qui vivaient. Ils me disaient, on va te donner l'argent pour que tu puisses retourner à la maison, tu es très jeune. C'était pas facile pour moi de quitter dans ma famille d'abord, surtout d'aller ailleurs. Ouais. De laisser l'école tout derrière moi. Les jours que je me suis pensé à tout ça, je suis en train de prendre un destin en main que je ne sais pas là où je dois aller finir. C'était quelque chose qui m'arrive dans ma tête tous les jours. J'ai pensé, même jour d'aujourd'hui, j'ai pensé quel jour je vais m'arrêter. Parce que je ne sais pas. Mais j'ai vu certainement certaines choses. J'ai vu des gens qui souffrent devant moi. Grâce à Dieu, là où j'ai passé, les gens m'adorent parce que j'étais très jeune, mais ils se prennent soin de moi. Pourquoi t'es arrivé, t'es trop jeune? Des moments, ils m'aident. Moi, il est arrivé des moments, j'avais pitié de moi-même, mais tellement j'avais envie d'aller faire quelque chose, de trouver un moyen pour ma famille, pour moi, pour mes frères et mes soeurs. Et je me suis dit, je m'en fous de moi, Algérie, c'est pas pour moi. Il y avait un moment, il y avait un groupe qui devait aller à Libye. Nous, on était à la frontière entre Libye et Algérie. Moi, j'avais pas l'argent pour payer les transports parce qu'il faut payer les transports pour aller. Sinon, tu peux pas aller à pied. Soit tu n'as qu'à marcher dans les desserts à pied. Ouais, tu n'as pas de l'eau, c'est de mortel. Mais j'avais pas de soie. Un jour, c'était la nuit, vers 1h du matin, j'étais réveillé et il y a un groupe qui devait aller en Libye. Ils ont payé leur transport, tout, mais c'était pour marcher en dessert. Mais moi, j'ai pas l'argent pour. Avant qu'ils vont sortir, moi, j'ai sorti avant eux de continuer à marcher. Et dès qu'ils ont sorti, j'ai l'air soufflé. Et quand j'ai vu les gens partir comme ça, partir, j'ai dit pourquoi pas. Quand j'ai vu les gens, ils partent, j'ai dit où ils vont, pourquoi moi aussi pas. J'ai l'air suivi jusqu'à ce que j'ai parti à Libye. On a marché. La nuit, c'est la seule solution que j'ai pu faire. Parce qu'en Algérie, c'est vrai que j'ai vu avec les gens, je peux manger avec eux. Mais le but, c'est quoi? Moi, mon but, c'est de gagner quelque chose. C'est pas seulement de partir comme ça, mais mon but, c'est de gagner quelque chose, d'aider ma famille. Oui, bien sûr. Mais le pays a mal. Et si le pays va mal, personne ne peut évoluer. Du coup, pour moi, ce n'est pas la solution de rester dans mon pays. La solution, c'est d'aller dans un autre pays, là où je peux même débrouiller des faits, de gagner un peu de ma vie. Quoi. Parce que surtout les parents... Quand je les vois, ils souffraient pour avoir de l'argent pour nous faire vivre. Ça me fait pitié. En arrivant en Libye, je suis tombé dans une foyer de gens qui vivent en Libye, qui travaillent à la frontière. C'était à la frontière. Entre la Libye et l'Algérie, si, entre la Libye et l'Algérie. C'était la frontière libyenne. C'est une ville qui s'appelle Gdames. Et cette ville-là, j'ai vu là-bas pendant un mois. Et on mange ensemble, je vivais comme ça, je ne travaille pas. Là-bas, c'était pas facile, même les majeurs, pour trouver le travail, parce que le patron ne te paye pas. Les gens qui vivaient là-bas, ils voulaient me privilégier à tout ça parce que je te aime. Un jour, je me suis dit, pourquoi si les autres vont chercher le travail, il faut que moi aussi je vais aller. Ils ne voulaient pas, personne ne voulait pas. Mais je me suis dit, je vais aller, peut-être je peux trouver un petit travail. Et tous les jours, le matin, les gens ils s'assoient dehors pour attendre. Un jour, il y a une vie, et il est venu pour me chercher pour travailler dans son jardin. J'ai les arbres, tout ça. Ce jour-là, quand je suis parti, j'étais tout seul. J'avais peur. C'était pas facile. Le premier jour que j'ai parti, j'avais l'impression que le monsieur, il va me faire mal, soit il va me faire quelque chose. Mais c'était au contraire. Quand je suis parti, il me montrait le travail, il me paye un peu d'argent, 30, 20 dinars. C'est avec ça, j'ai commencé à économiser petit à petit. Je me suis dit, je vais rester ici. Mais au bout d'un moment, il y a une guerre qui a commencé encore à Libye, qui a tout mettre à l'air. On ne peut rien faire, on ne peut pas sortir la maison. Au bout de 3 semaines, personne ne peut sortir dehors, tout le monde est à la maison. Pour aller à manger, ce n'était pas facile. Jusqu'à un jour, Moi, avec une jeune comme ça qui est un peu plus grand que moi, c'est lui qui m'a pris comme son frère aussi, qui m'adorait. C'est lui le chef du foyer là. Et là, il a sens, il y avait une divine qui devait aller à Tripoli. Et ce jour-là, il a dit comme Gadames, elle est devenue dangereuse maintenant. Et il ne veut pas que moi j'ai resté ici. Il t'a pris sous son aile, ouais. En fait. Et il m'a dit, je ne sais pas, moi, mon avis, tu devais retourner au pays. Rester au pays, c'est mieux. Mais comme tu ne veux pas retourner, on va t'aider. Mais moi, au but, ce n'était pas pour aller Tripoli, Libye, tout ça. Ce n'était pas mon but. Moi, je ne pensais même pas d'arriver en Libye parce que quand j'ai quitté mon pays, je sais que Libye, il y a la guerre. Quand tu as quitté, tu ne savais pas où t'allais Je ne savais pas où, là. Je ne sais pas quelle destination, en fait. C'est ça qui m'a poussé de passer par les mains gauche à droite jusqu'à Tripoli. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à Tripoli, j'ai resté là-bas. Je travaille dans une fabrique qui fabrique des bouteilles d'eau, des losers là-bas, tout ça. Les jeunes qui m'ont envoyé à Libye, lui, il avait un frère qui travaille dans une usine là. C'est lui qui m'a envoyé à son frère. Il a appelé à son frère. Il a dit, j'ai un petit frère qui arrive chez toi. Et tu dois l'aider à trouver une place là où vivez comme ça. On est rentré dans une 4x4 comme ça. On était presque 30 personnes dans le désert pour quitter Gadames pour aller à Tripoli. On est parti la nuit, il y avait les taximans, c'était le trafic, ceux qui trafiquent, qui font le transport, qu'il faut passer les gens. Et ils sont venus avec les taxis après nous. On était trois personnes qui rentraient dans une taxi. Et moi, j'ai eu la chance, j'étais devant. Mmh. Et je parlais avec le taximan qui était un policier. Mmh. Et moi, je comprends un peu arabe. Parce que mon père parle correctement arabe libyen. Mm-hmm. Et quand on est assis souvent tranquille, je lui propose le mot arabe. Mm-hmm. Après, il vient me parler, je commence à apprendre petit à petit. Au début, quand j'étais à l'école, je voulais devenir journaliste. Du coup, mm-hmm. quand j'étais à l'école, j'aimerais bien apprendre les choses, comment les langues. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à Libye, j'avais déjà un peu connaissance de leur langue. Je ne comprends pas bien, mais je me débrouille. Après, cet taximan-là, j'ai commencé à parler avec lui et je lui demandais est-ce que c'est lui là où on doit aller. Il m'a dit non, c'est pas lui. Il m'a dit comment tu comprends le libyen. J'ai dit mon père, il a vécu en Libye. Mm-mm. Je comprends, mais lui, il m'a donné son numéro. Il m'a dit si tu as n'importe quel problème à Libye, en Tripoli ici, tu as qu'à m'appeler. Un jour, on travaille toujours dans le Mazara, mais on va aller à la cité de le manger de nourriture mmh. ailleurs. Les policiers nous ont mis dehors. Ils nous ont mis dans une voiture, ils nous apportent dans une maison. On a passé. Comme on marche comme ça, il y a une voiture qui vient s'arrêter. Je lui dis allez, rentre dans la voiture. Mmh. Avec des armes. On est resté dans ces maisons-là pendant une semaine. On était dans ces maisons. Ils nous portaient un peu de nourriture, un peu de l'eau. Pas beaucoup, ça ne suffit pas, ça demandait de l'argent. Donc tout ce qu'on a dit, on n'a pas de l'argent, on n'a rien. Mm-hmm. Parce qu'ils voient qu'on n'a rien sur nous. C'était des polices corrompues et qui c'était des gamins. Des gamins qui avaient de l'argent. Ils ont des armes, ils font ce qu'ils veulent, il y a la guerre, personne ne contrôle personne. Mm-hmm. On est retourné là où on travaille, trouver quelqu'un pour nous remplacer. Quand tu es arrêté un seul jour, tu n'as pas de travail, tu es viré. Mm-hmm. Moi, tout ce que je veux, c'est de l'argent. Même si souvent ils appellent au travail. Le travail, c'est quoi? Des charges, des armes. S'il y a des sous, on va le faire parce que on est dans la merde. Et si on est dans la merde, il faut continuer dans ces merdes-là tous les jours. Mon père et ma mère, tous les jours, ils m'appellent 5-6 fois par jour pour me dire il faut essayer de trouver solution de sortir. Je dis à ma mère, reste tranquille. Pour l'instant, grâce à Dieu, je suis en vivant, avec mes maris. Je ne savais pas que j'étais en Libye. J'ai envoyé l'argent, envoyé mes frères à l'école. Et ce que j'ai commencé à réussir, ce que je voulais. Et du coup, je me suis dit, bah, tu as commencé à réussir, c'est pourquoi tu dois retourner ailleurs? Commencer tout à zéro. Et j'ai dit non. Ma mère me disait retour. J'ai dit, mais c'est pareil. Libye, Mali, c'est pareil. Il y a guerre au Libye, il y a guerre au Mali. J'ai pas dit, Libye même, c'était stabilisé. Et moi, sécurité un peu tranquille, mais au Mali, il y avait des feux partout, au capital, qu'il soit au nord. Il y avait trop de choses dans ma tête. C'est trop énervé. Je me suis dit non, c'est fini. Je ne veux plus retourner. Tant que je vis encore en Libye, je ne retourne pas. Peut-être mon retour, ça sera peut-être si j'ai moins. Ma mère, elle n'a pas prêché ça. Elle m'a dit, bah, si tu ne retournes pas, tu ne m'appelles plus. Là, c'est dur. Mais... Là, c'est dur. Ouais. Je fais une semaine. Quand je l'appelle, elle ne répond pas. Deux semaines, quand je l'appelle, elle ne répond pas. Donc, j'ai fait mon valise. Je devais aller à une trafic pour retourner au pays. Mais je me suis dit, ah, tout l'argent que j'ai payé pour arriver jusqu'à ici, toutes les souffrances que j'ai vues arriver jusqu'à ici, après retourner dans les mêmes souffrances pour arriver jusqu'au pays encore, j'ai dit non. Comment la t'as mère. Quitté la Libye du coup? Bah, pour quitter la Libye, c'était pas mon désir. Je voulais de moment que. Et tu voulais rester. Je regrette pourquoi j'ai quitté la Libye. Un jour, je suis parti, il nous a appelé pour le travail et il nous a dit que j'ai un travail à faire peut-être 2, 3, 4 ans de temps. Ils vont nous payer. On était 4 personnes qui, le jour qu'on nous a arrêté, ces jours-là. On était 4 personnes. Et nous, on ne savait pas qu'on était arrêté par rapport. Ils vous ont fait croire que vous allez travailler, ouais. En fait, c'était pour vous arrêter. Ouais, ces jours-là, c'était une surprise qui m'arrivait. Moi, je ne croyais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne croyais pas comment ils ont fait. En plus, ils savaient que s'ils nous arrêtent, et ils savaient qu'on va leur donner l'argent et comme ça ils vont dire ouais on va vous livrer et tout ça. Quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit c'était le travail qu'on va aller travailler dans un endroit. Ils nous ont mis dans une voiture, on est partis ensemble. Après, ils nous ont mis dans une maison. Et ces maisons-là qu'on a fait les peintures. Comme il y avait les guerres, quand tu vas travailler dans une maison, ils vont fermer la porte pour la sécurité. Quand ils ont fermé la porte, nous, on croyait que c'est un truc habituel. Au contraire, c'est au contraire. Nous, on est à la maison, ils ont dit qu'ils vont aller chercher les matériels pour nous donner tout ça. Ils ont dit, attendez-nous ici, on va aller chercher les matériels. Donc, on a attendu là-bas pendant 4 heures, 5 heures, toute la journée, jusqu'à 18 heures, 19 heures. La porte est fermée, les fenêtres, on ne peut pas sortir. Quand ils sont arrivés, nous a ramené à manger, c'était après moi. Je leur demandais qu'est-ce que nous faisions. C'est parce que les autres trois, ils ne comprennent pas bien les arabes. Mm-hmm. Après, ils ont dit non, restez tranquille, vous êtes en arrestation, chacun doit faire un peu de somme. Moi, j'ai demandé pourquoi une arrestation. On nous a dit qu'il y a du travail et vous nous dites non, c'est une arrestation. Quelle arrestation? Après, ils voulaient me tromper, mais comme. C'est moi le porte-parole, du coup ils ont besoin de moi. Chacun doit payer 800 dinars pour qu'ils vont nous livrer. Sinon, si on ne paye pas 800 dinars, on ne sort pas. Hein. Et les autres, ils avaient peur. Parce qu'à ce moment-là, quand on dit arrestation Libye, c'est la mort. C'est la mort, soit tu payes l'argent que tu as. On a négocié avec eux, on dit ouais. On a cotisé, chacun a appelé son collègue. On a ramené l'argent et moi j'ai leur donné, je dis tout ce qu'on a gagné, ça c'est tout l'argent qu'on a. Tout le monde sait que lui actuellement c'est pas facile d'aller travailler. Du coup, nous ce qu'on gagne c'est ça. C'est que ça, ouais. C'est que ça. Après ils ont pris l'argent. Bah, ils moi, vous ont... Non, on n'est pas livrés. Ils sont juste débarrassés de nous, ils ne veulent pas nous voir. Parce qu'ils savent que quelqu'un d'entre nous a une chef là où on travaille, on a une chef qui a un peu plus puissant, ouais. Si on leur déclarait, ils vont les chercher, après ça va être notre dégât. Ils nous ont mis dans les voitures qu'ils vont nous livrer. Parce que nous, on pense qu'on allait rentrer. Mais on ne savait pas qu'on est au bord de la mer. C'est une maison qui est au bord de la mer. La fenêtre est fermée. La porte est fermée. Après, on entendait le bruit, les gens qui parlent. C'était une autre personne qui ont été arrêtées par rapport à eux, qui ont été mis là-bas. C'était une maison qui a peine fini de travaux, mais on a dormi assis. Toute la nuit, pas de l'eau, pas de nourriture, ni rien à ces jours-là. J'ai beaucoup pensé, j'ai dit, bah, si j'ai recruté ma mère. J'ai dit, actuellement, c'est fin de mon destin, quoi. Parce que je pensais que j'allais mourir. Et puis c'est fin, c'est fini. Après, ben, je l'avais apprendre comme ça, et nous a sorti. Alors, on a au moins de 30 personnes qui arrivent, qui nous entourent. Et puis, c'est la mort qui est arrivée, c'est bon. C'était comme ça, la pensée. Est-ce qu'ils vont nous tuer? Tout le monde était sur le sort, tout le monde. Personne parle. Il n'y a que eux. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de bouger. Que si tu commences à parler, ils te frappent à terre. Il y avait bateau qui était déjà prêt au bord de la mer. Ils vont nous envoyer en Libye, en Italie, oui. Ah, c'était ça. Soit monter, soit mourir. C'était exactement comme ça. Parce que quand je vois le. Il y en a qui sont hyper, qui ne veulent pas monter, comment ils les frappent. Je suis sûr, certains qui vont mourir. Mm-hmm. Sûr, certains, ils vont leur tuer. Soit je meurs, soit je continue ma vie. Si je décide de mourir dans la mer, c'est mieux qu'une torture. On était prévu pour 85 personnes. Mais il y en a qui ont refusé vraiment. Mm-hmm. Qui ne voulaient pas monter du tout. Ils les frappent comme ils veulent. Parce que même moi, j'ai monté, mais tu voulais pas, peur. C'était oui, c'est j'avais ça. J'avais peur, même leur mère d'abord. Et au Mali, on n'a pas de mère. Oui, c'est ça. On n'a pas de mère, et du coup, j'ai jamais vu la mère. C'était la première fois que j'ai vu, et je vois l'eau coule comme ça. Je me suis dit, putain, c'est où là? C'était des moments, j'étais devenu comme quelqu'un qui est en train de perdre la connaissance, la raison, quoi. Quand on est monté dans l'usine bateau, on commence à découvrir. Même, il met 2, 3, 4 personnes avec fusil, avec nous, on est monté. Quand on est monté, on arrive à des moments. En fait, il y a d'autres bateaux qui viennent les chercher. Et ils se plongent, il y a d'autres bateaux qui viennent les chercher. Mais heureusement, on avait certaines personnes. Qui ont vécu dans un pays là où il y a les chèches pour pêcher les poissons, tout ça, qui connaît un peu le moteur, qui nous a débrouillé de continuer d'aller. On ne peut pas retourner. Parce qu'ils vont te mettre dans une prison. C'est les prisons qu'on voyait sur les journaux, tout ça, actuellement. Même si on ne voulait pas, même si on va mourir, c'est la science. Peut-être, on ne sait pas. On va sortir, on va mourir. Mm-hmm. On continue comme ça jusqu'à 2h du matin. On a un problème de moteur. Et nos bateaux, il y avait des trous partout. L'eau est rentre partout. Et le moteur ne fonctionne plus. C'est la fin, quoi. Tout le monde attendait la mort. Mm-hmm. On est resté assis et attendait la mort. Et il y en a qui est devenu complètement fou, il veut se jeter dans l'eau, il faut les attraper, il a réussi à démarrer, après on a continué, il commence à dégonfler de ça. Et à un moment, on est assis comme ça, tout le monde est tranquille, on n'entend rien que de l'eau, personne parle, personne, même un bruit, on n'entend pas, alors que le bateau est plein. Et ce moment-là, quand le destin c'est pas fini, c'est pas fini. À un moment, 9h du matin comme ça, on voit un hélicoptère qui est venu, il a fait un petit tour comme ça. Il y en a qui disaient non, c'est des Italiens, il faut pas qu'on voit l'Italie, c'est mieux. Après, ils vont nous donner à les Libyens, donc c'est pas bien. Si ils vont nous donner les Libyens, c'est pas bon. Il y en a qui disent, non, l'Italien, il est accueilli. Il y en a qui disent, non, l'Italien, il est accueilli pas. Ils vont nous donner à les Libyens, ils vont nous maltraiter, c'est pas bon. Il faut qu'on va vers Tunisie. Il y en a qui disent, Tunisie, c'est pas bon. Il y en a qui disent, non, les Italiens, ils accueillent. C'est mieux, peut-être si on va là-bas, ils vont nous sauver la vie. Mais certains disent non, les Italiens, ils ne vont pas nous sauver, ils vont nous faire retourner à Libye. Ils vont nous maltraiter, ils vont nous torturer encore. Mais on arrive à un moment, on voit un gros bateau qui est arrivé vers nous. C'était les Italiens qui commencent à parler. Les Italiens, restez tranquille, on va vous sortir là, on va vous sauver, restez tranquille. Après, on est resté tranquille, il nous a pris un an pour entrer dans les bateaux. Et quand on est rentré dans le bateau, on était, tout le monde commençait à dire à ça. Parce qu'on n'attendait pas ça. Mm. Non, je suis arrivé en Italie à 17 ans. Mm. Quand je suis arrivé, le bateau nous a fait rentrer, commencer à donner des couvertures. Certains qui n'ont pas des chaussures, qui est bien frappé, certains qui étaient blessés. Certains qui n'ont même pas des vêtements parce qu'ils étaient mal frappés, maltraités. Mmh. C'était compliqué. Quand ils, comme ça, on a fait une semaine au bord d'un bateau. Un bateau au bord d'un navire italien. Après une semaine, moi, j'ai débarqué à Augusta. C'est une porte de Sicile, Augusta. Quand le destin, c'est pas fini, c'est pas fini. Assis à la terrasse d'un café, Saïd et Ibrahim discutent des conséquences des passages et comment cela a changé la façon dont ils se percevaient. Tu es heureux de cette vie que tu as actuellement? Mais quelle vie qu'ils sont en train de faire? Je travaille. Ta vie quand tu es en Guinée, elle est différente de ta vie quand tu es ici. Pourquoi, c'est pourquoi c'est différent? Parce que moi ici je suis libre. En Guinée, ce que je vais faire là, je ne vais pas faire. Okay, parce que moi, en Guinée, je rentre ce mois à 20h. C'est un peu lâche pour moi, ça c'est mon point de vue, hein. Si c'était moi à ta place. Oui. C'est un peu lâche de sortir. Aujourd'hui c'est lundi, je laisse, j'ai une famille à la maison, ok. Mes familles ne sont pas là. Écoute-moi. Non, elles sont là avec toi, c'est la responsabilité, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là. Ouais, parce que je veux pas dire, ok, ça c'est ma femme parce qu'elle doit rester là-bas, ok. Mais alors, je vais te dire quelque chose, ce que vous pensez, le ministre, il sait bien en Afrique, le comportement d'Afrique, mm-hmm. avec ici, c'est pas la même chose. Toi, t'es blanc. D'accord. Moi, c'est noir. C'est que toi, tu penses, si tu es amoureux avec quelqu'un, vous ne pouvez même pas séparer. Chaque jour, vous êtes ensemble, comme ça. En Afrique, il n'y a pas ça. Non, je ne sais pas. Je suis sorti maintenant. Et l'Africain comme moi. En Afrique, ça, il n'y a pas. Non. Il y en a en Afrique, mais ce n'est pas tout en Afrique. Non, ça, j'ai compris. En Afrique, comme c'est moi, comme en Sénégal, comme en Mali, comme Kosovo, je sais pas. En Guinée encore, il y en a. En Guinée, il y en a aussi. Tu marches avec ta femme. Chaque moment, tu es avec ta femme. Si tu vas à la toilette, tu es avec ta femme. Il y en a en Guinée. Non. Respecte. Ça me parle. Ouais. C'est nous, en Guinée, il y a des gens. Avec leur femme, c'est seulement pour faire l'amour. En Afrique, c'est comme ça. D'accord. Que vous non, vous pensez... ce n'est pas toute l'Afrique. Non, tout en Afrique. Yo. Non, mettez un dubbio. Ognuno di noi ha suo punto di vista. Okay? Chacun de nous a son point de vue, chacun de nous a sa mentalité, chacun de nous. Mais je pense que si les choses doivent être égales, égaux, on doit mettre l'égalité. Parce que je ne peux pas dire, ok, ma femme ne doit pas sortir, ma femme ne doit pas être libre. Comme je prétends, elle doit aussi avoir cette chose. Ma copine avec qui je reste, je suis avec maintenant. Elle peut sortir avec ses amis, ok? Je peux sortir avec mes amis. Mais excuse, tu sais le problème c'est quoi? Ouais. Je ne sais pas, toi tu es arrivé en Europe à quel âge? Moi j'étais plus petit que toi, j'avais l'état de 13 ans et demi. 13 ans et demi pour arriver en Europe? Oui. Mon frère, toi tu ne peux pas parler d'affaires d'Europe et affaires d'Afrique, ça va. Toi on te compte comment tu es grandi si tu es né ici. En Afrique c'est nous, en Afrique, tout en Afrique c'est la même. Je ne sais pas, Afrique de... Mais l'Afrique, elle est immense. Elle est grande. L'Afrique est trop grande. Mais tu vois, chez nous, dans mon propre pays, il y a des gens. Il y a des gens chez nous. Ils n'ont jamais été à l'école. Tu sais que moi, je n'ai jamais été à l'école. Tu sais ça? C'est ça le problème. Je n'ai jamais été à l'école. Mais l'Afrique, elle est immense. Elle est composée de plein de pays. Mais c'est vous, pays. Mais attends, vous les Blancs, vous ne savez pas ça? Non, moi, je sais, c'est vrai. Je ne sais pas de quoi je parle. Moi, je parle la vérité. Mais... J'assume totalement. Avec les Français même. Hein. Moi, je suis allé, j'ai étudié la culture africaine. Je connaissais que ça fonctionne. Frère, je la prouve moi. Alors, je te raconte cette chose. Aujourd'hui, au Cameroun, mes cousins... Mes cousines m'appellent, mais tu vas te marier quand? Il faut que tu viennes te marier. Ouais. Ok. Et toi, tu ne peux pas du coup? Alors, moi, je les ai dit. Jusqu'à hier soir, je parlais avec ma cousine. Et ma femme n'est pas un objet. Ok. Si je dois me marier, et si je dois me marier, ce n'est pas toi qui vas lui donner l'argent de la ration. C'est moi qui dois lui donner l'argent de la ration. Ok. Si je dois avoir les enfants, ce n'est pas toi qui dois prendre soin de mes enfants. Ouais. C'est moi qui dois prendre soin de mes enfants. Et si je dois me marier, je dois me marier avec qui je veux. Ok? La personne qui m'aime, c'est pas la personne que vous voulez. Toi, tu prends vraiment journal, tu regardes l'Afrique. Toi, ça, c'est vrai, mais moi, je suis en train d'étudier l'Afrique. Ce que vous montrez ici, là, ce que tu vois, c'est pas la même mais chose. Mais j'ai la famille africaine, donc attention, ne dis pas ça, parce que moi, j'ai la famille africaine comme toi. Je parle avec eux, même à eux, ils raisonnent comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Moi, c'est, ça, c'est mon point de vue. Et chacun de nous, je ne refuse pas, ok? Tu n'as pas de soumettre. André, que si tu te soumets, tu vas faire tout. La vie que tu es en train de faire, que lui est en train de faire, c'est une vie de merde. Moi, je l'appelle une vie de merde. Parce que c'est quoi? Tu ramasses des bouteilles, ok? Tu les mets dans le sac, tu prends les bouteilles, tu peux les jeter. Mm-hmm. Tu penses que tu ne mérites pas plus de ça? Non, il n'y a aucun travail qui n'a pas de dignité. Mais qui te donne plus de. Qui te qualifie, ok? Qui te qualifie que toi, tu. Parce que quand je suis arrivé en Italie, on m'a dit, tu sais, tous les noirs, ils travaillent dans les bars, tous les noirs, ils travaillent dans les restaurants, ils nettoient les plats. Il fait la plonge, tout ça, et il lave des vitres. Il dit, je suis noir, mais je ne suis pas noir comme les autres. Mm-mm. Ok? Je suis noir du nouvel modèle. Ouais. C'est la manière de là où les gens vivent, sont habitués, parce que tous les noirs, ils ne font jamais. Tu as déjà vu un noir ici, en Italie, conduire un bus? Non. Tu as déjà vu un noir travailler dans un bureau, dans une place importante? Non. Parce que nous sommes tous seuls dans l'esclavage moderne. Ok? Bien, mais regarde aujourd'hui, simplement, regarde aujourd'hui, il y a les noirs séparés, il y a les blancs et les noirs séparés, ouais. Ils sont entre eux-mêmes, et les blancs séparés. Ça fait trop mal parce que du fait que. Il y a ce genre de choses. On commence déjà avec ça. Toujours chercher une solution. Je suis allé à l'université, je me suis fait screen letter. J'ai fait une lettre écrite par moi-même, signée. Je suis allé voir le policier, je lui ai expliqué la situation. Mais il y a toujours des obstacles. Là-bas, j'ai trouvé aussi des obstacles, mais j'ai dû, parce que je sais comment ça fonctionne, j'ai dû produire tous les documents qu'il faut pour y arriver. Là-bas, je suis en train d'aller. Le 1er septembre, je n'ai pas là où dormir. Ouais. Ok? Mais quand j'arrive, je dois chercher une solution pour chercher une chambre là où je dois dormir. Oui, je vois. En attendant, ici je suis arrivé, je suis devenu comme lui, comme tout le monde. Dû créer tout, ok? Mm. La langue italienne, c'est pas ma langue, mais je la parle mieux que la langue française aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était un grand obstacle. J'ai pas du tout pour y arriver. Et du coup, t'es arrivé à quel âge ici? À 13 ans et demi. Mais t'es tout seul? Tout seul, j'étais en France. Après j'étais à Rome, j'étais à Milan, parce que je jouais au ballon avant. Okay. Au foot, ouais. Ouais, au foot. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une solution qui peut me donner, qui peut changer ma vie. Et j'ai réussi en tout. Oui, oui. Et à l'université, mais c'est mérité quand j'ai réussi en tout, je travaille, je m'en vais. J'ai fini avant tout le monde. Mm-hmm. Tu peux devenir ce que tu veux dans la vie. Mm-hmm. Car le rêve de devenir le président de la République, il y a toujours des solutions que tu peux devenir. Mm-hmm. Tu veux devenir un pauvre, tu veux devenir. Tu veux devenir un riche, tu peux devenir. C'est ce que je prends dans la vie. Parce que personne ne te donne un cadeau. Le destin, tu l'as dans ta paume. C'est ce que je prends. Comment tu arrives à gérer cette espèce de double culture que tu as, enfin, genre, comment tu te définis en fait? Alors, moi je me. Je te demande, parce que moi je sais. Moi je me définis. Hein, parce que nous sommes une racine. Ok, je ne peux pas nier une racine. Parce que ça fait partie de ma culture. Ça fait partie de mes racines. Mais aujourd'hui, avoir deux types de culture, c'est un avantage. Voilà. Ça me fait mal que les gens me définissent que tu n'es pas africain. Ok, moi je me sens africain, je me sens comme les autres. Je suis fier de l'être, ok. Les gens me traitent comme si je suis européen, je suis italien, ok. Mais moi je me sens africain. Là où tu te sens bien, c'est ta maison, ok. La maison, ce n'est pas un endroit fixe, tu veux dire. Si je me sens bien ici, je peux vivre ici sans problème. Je peux apprendre la culture ici, ok. Quand on me dit que tu n'es pas africain, ça me fait mal. Okay. Tu n'as pas une. Tu deviens nomade. Ouais. Parce que c'est quoi? En Afrique, on ne te définit pas africain. En Europe, on ne te définit pas européen. Ouais, en fait, tu es apatride. Ouais, sans patrie. Ouais. Ouais. Et à la fin, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Tu peux m'appeler qui tu veux. Ça, c'est ton point de vue. Je garde le mien parce que le mien, c'est plus important que le tien. Je le respecte, c'est que ton point de vue. Je respecte tout ce que tu penses. Mais ça me fait pas mal, parce que je sais qui je suis.